L'actualité à Nancy et ailleurs. Denis Crelotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du MAN Nancy, le mouvement pour une alternative non violente. Le MAN qui prépare activement son forum d'été qui va se dérouler du 11 au 16 juillet à Rovilhochaine. Que va représenter ce forum d'été pour le MAN ? Le forum d'été, c'est un grand moment pour le mouvement pour une alternative non violente. En plus, là, on aborde le thème des urgences écologiques et de la justice sociale, c'est-à-dire comment on arrive à harmoniser une réponse aux urgences écologiques en ayant en tête la justice sociale. C'était un des éléments qui était abordé par la Convention citoyenne pour le climat, dont on a vu ce qu'a fait le gouvernement, c'est-à-dire qu'ils ont édulcoré d'une manière très forte toutes les propositions qui avaient été faites par cette Convention citoyenne pour le climat. Et donc nous, du coup, on travaille sur cette question d'arrache-pied avec l'idée que la non-violence peut nous servir de boussole dans un moment particulièrement compliqué qu'on vit là avec la sortie du confinement. Et puis des défis importants, quoi, pas uniquement sur le plan écologique, mais sur le plan social et démocratique aussi. Avec des échéances électorales qui approchent, évidemment. De quelle manière donc vous allez pouvoir aborder, parce que vous allez toucher un public très large, aussi bien des adultes, des enfants, des personnes qui peuvent être éloignées de ces sujets, et c'est aussi qu'il faut mobiliser sur ces questions, notamment du climat et des inégalités. De quelle manière, sur ces 5 jours, vous allez toucher ces publics un peu différents qui viennent d'horizons différents ? D'abord, le forum, il s'adresse à des gens qui souhaitent se sensibiliser sur le thème de l'urgence écologique articulée à la justice sociale, mais il s'adresse aussi à des gens qui ont déjà participé à des mobilisations. C'est-à-dire qu'on souhaite aborder tout type de public, aussi bien des gens qui pensent qu'ils n'y connaissent pas grand-chose et qu'ils veulent se renseigner, que des gens qui sont déjà impliqués et qui veulent approfondir les choses. Ensuite, concernant les enfants et les adolescents, nous avons un programme spécifique de prise en charge puisque nous voulons libérer les adultes pour qu'ils puissent participer à des formations. Et donc, les enfants sont pris en charge par des animateurs qui sont en général membres du mouvement pour une alternative non violente, qui sont des éducateurs, des enseignants, qui sont là à titre bénévole pour animer les enfants pendant que les adultes réfléchissent et participe aux différentes formations que nous offrons. Et même pour ce public plus jeune, c'est cette thématique aussi qui va être abordée avec eux ? Ah ben bien sûr ! C'est pas parce qu'on est jeune qu'on vit en dehors des préoccupations de la planète. Par contre, il faut le faire d'une manière ludique et pédagogique. Donc c'est aussi un temps de vacances. Mais ils iront visiter une chèvrerie, les jeunes. Ils joueront à des jeux adaptés au niveau de leur âge sur des jeux coopératifs, qui sont des jeux où on apprend la solidarité. Pendant que les adultes travailleront sur la fresque du climat et la fresque de la biodiversité, qui sont des outils pédagogiques, il y aura une fresque du climat et une fresque de la biodiversité qui sera adaptée pour les enfants. Alors parlons du cadre justement aussi de ce forum d'été. Vous avez choisi donc l'école d'horticulture et du paysage de Rovilhochaine. Pourquoi ce choix ? 50 km de Nancy, 30 km de Lunéville, un peu au cœur de la Lorraine, une prise en charge hôtelière. Nous remercions l'école de Rovilhochaine de mettre à disposition tout son plateau technique, les salles. C'est un espace où on peut faire du théâtre, on peut faire de la musique, parce que ça c'est en soirée aussi. Et un espace où on peut prendre le temps de réfléchir, etc. C'est un espace idéal pour accueillir entre 100 et 200 personnes, pour participer à ce type d'événement. J'allais dire, le forum d'été du mouvement pour une alternative non violente, c'est entre un camp climat, par exemple, et une université d'été d'un parti ou d'une grande association. Il y a du sérieux, il y a du ludique, il y a des spectacles, donc du culturel, il y a une librairie, et puis en même temps, il y a une buvette, etc. Et finalement, pour des questions logistiques, l'école d'horticulture de Rovilhochaine répond à tous nos critères. Et en plus, on pourra aller se promener, la nature est très proche. Donc, aussi bien les enfants que les adultes pourront avoir des possibilités de respirer, quoi. C'est tellement important de respirer en ce moment. 5 jours donc, pour réfléchir, mais aussi 5 journées de convivialité à vivre ensemble, donc, et avec la possibilité de vivre et de dormir sur place à l'école de Rovilhochaine. Comment on fait justement pour s'inscrire ? Comment ça se passe ? Eh bien, nous mettons en ce moment des affiches là parce que Cécile Duflo, qui est directrice générale d'Oxfam, a modifié sa date de venue. Et donc, elle vient le 12 juillet, le lundi. Et bon, pour nous, c'était important parce qu'on avait fait toute notre communication sur une autre date. Donc, Cécile Duflo, elle vient le 12 juillet. Alors, peut-être donc, redire aussi le rôle de Cécile Duflo, directrice générale d'Oxfam France. Oxfam France, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quoi le rôle de cette association? Oxfam France est un partenaire du mouvement pour une alternative non violente. Nous avons appuyé la démarche du fait de porter plainte contre l'État pour inaction climatique. Hein, c'est la fameuse pétition « Notre affaire à tous ». Qui a été porté par Oxfam, Greenpeace et deux autres associations avec lesquelles le mouvement pour une alternative non violente travaille. Et donc, Cécile Duflo, qui a été aussi ministre et puis responsable à un moment donné d'Europe Écologie Les Verts, maintenant, elle est centrée sur son rôle dans une organisation non gouvernementale qui s'appelle Oxfam, qui a des ramifications internationales. On voulait qu'elle vienne pour nous expliquer justement comment on se débrouille avec la lutte contre les inégalités et les modifications qu'on doit faire pour les questions écologiques dans nos modes de vie, quoi. Pour nous, c'est un grand témoin. C'est quelqu'un qui va pouvoir nous parler des éléments qui préparent l'avenir et en même temps faire un peu le bilan de la manière dont les choses se sont déroulées jusqu'à maintenant, quoi. Et donc, avec elle, on va travailler sur les mutations qui nous attendent, des mutations qu'il faut qu'on anticipe. Voilà, donc elle sera présente et avec un changement de date, hein, donc pour sa conférence. Et oui, elle vient le 12 juillet. Elle vient le lundi 12 juillet, ce qui fait que la pièce de théâtre qui était prévue le lundi 12 juillet, avec la compagnie des Jolies Brumes, eh ben, cette pièce de théâtre aura lieu le 13 juillet. Voilà. Pour retrouver tout le programme, parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, on ne pourra pas forcément tout détailler, mais sur le site nonviolence.fr, on retrouve tout le détail. Il y a aussi de la possibilité de s'inscrire pour participer à ce forum d'été cette année. Tout à fait, on peut s'inscrire en ligne. Et pour tous les renseignements, il y a aussi un téléphone. C'est le 07 69 34 85 86. 07 69 34 85 86. Parce que donc l'idée, c'est de participer soit à la totalité du forum, c'est-à-dire sur 5 jours, soit éventuellement à la première partie, le lundi et le mardi, ou la deuxième partie, le mercredi et le jeudi, pour les gens qui sont moins disponibles. Et il y a la possibilité de participer aux soirées, donc la soirée avec Cécile Duflo lundi, la pièce de théâtre le mardi, le 14 juillet, on le fait en musique, bien sûr. Et donc, toutes ces soirées-là sont ouvertes à des personnes qui désiraient venir, quoi. Mais pareil, il faut mieux nous prévenir pour des questions de jauge liées à la crise sanitaire. On ne sait pas comment ça va se passer au mois de juillet. Donc, le mieux, c'est vraiment de s'inscrire. Alors, pour terminer, peut-être une dernière question. À vos yeux, qu'est-ce qui fera que ce forum d'été sera réussi cette année? Trois éléments. Le premier, bien sûr, c'est la question de la fréquentation. Le deuxième, c'est la question de la qualité des relations humaines qu'il va y avoir à l'intérieur de ce forum. Et j'entends aussi par qualité de relations humaines les qualités pédagogique, parce qu'il y a énormément de formations. On veut des formations assez diversifiées avec des petits groupes. Et donc, un des critères de réussite, ça va être la manière dont ces formations vont se dérouler et où les gens vont avoir l'impression d'en savoir plus pour se former et arriver à s'engager. Le troisième élément, c'est, j'allais dire, l'impact sur notre territoire. C'est-à-dire, on a choisi un territoire rural où les questions d'écologie et de justice sociale ne sont pas forcément comprises, en particulier les questions d'écologie. Et on veut avoir une possibilité de dialogue avec les personnes de ce territoire, aussi bien des élus que des habitants. Et c'est aussi pour ça qu'on fait un programme culturel assez alléchant, enfin, on espère alléchant, pour que les gens ils voient qu'il y ait une discussion, une rencontre, des échanges, y compris si on n'est pas d'accord, par exemple sur la question en agriculture, de l'usage des pesticides, sur les mutations de la vie quotidienne qu'implique la prise en compte de l'urgence écologique. Comment on fait que la France est neutre en carbone en 2030, par exemple, quoi. Qu'est-ce qui va amener ces décisions-là? Et donc, un des critères de réussite de ce forum, ce sera aussi la capacité que nous avons à mobiliser des gens qui, a priori, ne seraient pas intéressés par le thème ou le regarderaient de loin. Voilà. Des éléments très concrets. Donc, pour le forum d'été 2021 face aux urgences écologiques, agir pour la justice sociale, c'est du 11 au 16 juillet à l'école d'horticulture et du paysage de Reuville-aux-Chênes par le mouvement pour une alternative non violente. Merci beaucoup, Denis Crolotte. Merci et longue vie à Sadjet malgré cette crise sanitaire difficile. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Sadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.